Tout autre que McNabbs eût passé 100 fois à côté, sans en soupçonner l'existence. Une extumescence du tapis de neige la distinguait à peine des rocs environnants. Il fallut la déblayer. Cette casucha, construite par les Indiens, était faite d'adobe, espèce de briques cuites au soleil. Elle avait la forme d'un cube de 12 pieds. Un escalier de pierre conduisait à la porte, seule ouverture de la cahute. 10 personnes pouvaient aisément y tenir place. Ces murs, à cette époque, garantissaient à peu près, contre froid intense, que le thermomètre portait à 10 degrés au-dessous de zéro. D'ailleurs, une sorte de foyer permettait d'allumer du feu. Voilà un gîte suffisant, dit Glenarvan. Surtout quand un bon feu flambera dans l'âtre, dit Tom Austin. Glenarvan, Paganel et Wilson sortirent de la casucha. Il était 6 heures du soir. Cette région des Cordillères avait une altitude inférieure de 910 mètres seulement à celle du Mont Blanc. Au sud, le volcan Antuco rugissait comme un monstre énorme et vomissait d'ardentes fumées mêlées à des torrents d'une flamme fuligineuse. Mais le bois manquait. Heureusement, un lichen maigre et sec revêtit les rocs. On en fit une ample provision, ainsi que d'une certaine plante nommée l'Iareta, dont la racine pouvait brûler suffisamment. Le feu fut difficile à allumer et surtout à en soutenir, si bien que ce fut avec volupté que chacun but quelques gorgées de café brûlant. Soudain, des hurlements lointains se firent entendre, des cris d'un troupeau qui s'approchait avec rapidité. Tous s'élancèrent hors de la casucha. Soudain, une avalanche furieuse arriva, mais une avalanche d'êtres animés et fous de terreur. La détonation d'une arme à feu éclata. Le major avait tiré au jugé. Chacun se hâta de regagner la cahute. C'était une jolie bête. C'est un guanac, une bête qui se mord, dit Paganel. 5 minutes après, il déposa de larges tranches de venaison sur le charbon produit par la racine de l'Iareta. 10 minutes plus tard, il servit à ses compagnons cette viande fort appétissante sous le nom de filet de guanac.